je vais vous montrer le système, c'est assez astucieux. Ce qu'on appelait un essencier. Vous voyez, pour trier, parce que l'eau de la... à la sortie de la lamée, quand ça passait dans le serpentin, cette vapeur se condensait. Il y avait de l'eau et de l'essence tout mélangé. Il fallait la trier. Alors, à la sortie de la, ça c'était la sortie de la lamée, mettons. Hein. Voilà, le tuyau sorti de la lamée. Ça coulait dans ce récipient. Ça coulait dans ce récipient. Là. Ça se remplissait, ça faisait un niveau. Ça faisait le niveau ici. Vous voyez le niveau. Ça faisait le niveau là. Après, ça coulait par là. Vous voyez, quand le niveau était atteint, le niveau... Oui, du tuyau. Du tuyau. Donc, l'eau étant plus lourde que l'essence. L'essence était là. Elle était dessous. Elle était dessus. Dessous. Alors, elle tombait là, oui. Mélangée avec l'eau. L'eau automatiquement descendait. Ça s'en allait. Et partait par là. Ouais. Et l'essence restait là. Et quand on voulait tirer l'essence, il y avait un petit truc, là, tu te rappelles, ouais, il y avait un bouchon. Eh ben oui, mais... là. Non, ça, c'était pas nous qui le faisions, c'était le spécialiste qui le criait. Alors, pendant que la lamée coulait, si vous mettez le doigt là, vous bouchez le doigt là, le niveau va monter. Et l'essence va sortir, pardon. Quand vous faites couler, alors, vous tenez votre récipient là, vous le verrez. Si vous venez pour la fête de la lavande, vous verrez. On vous le montrera. Ça, je me régale de le faire, ce truc-là. Et quand il arrive de l'eau, hop, vous lâchez. Il faut laisser refaire le crème.